Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Clara Schumann, pianiste virtuose et muse de Robert Schumann. Mon piano est encore une fois relégué au second plan, comme il arrive chaque fois que Robert compose. De toute une journée, il ne se présente pas la plus petite heure pour moi. La composition va tout aussi mal. Par moments, je cognerais volontiers ma tête stupide contre les murs. Déchirée entre sa passion pour le piano et son amour pour Robert Schumann, Clara Schumann va renoncer à une partie d'elle-même pour se consacrer à son rôle de muse et d'épouse, comme elle l'évoque dans ce court extrait de son journal. La musique n'en restera pas moins importante et présente dans sa vie. C'est par la musique que Clara et Robert se rencontreront et c'est la musique qui alimentera le feu de leur passion. Une heure plus tard, à la brasserie Cap, au coin de la Wilhelmstrasse, Robert Schumann et Ludwig Schunk avalent chope de bière sur chope de bière. Un peu plus et tu restais changé en statue de sel au pied de l'escalier de la maison Vic. Lorsque je vis Clara à midi, elle me parut plus grande, plus étrangère. Ce n'était plus une enfant avec qui j'aurais pu rire et jouer. Elle disait des choses raisonnables. Et dans ses yeux, je voyais briller un secret, profond rayon d'amour. Ludwig, c'était une autre Clara. Et pourtant toujours la même. Sur la musique de Clara Schumann, un extrait du radiothéâtre « Les visages de l'amour » réalisé en 1969 et racontant la rencontre de Robert et Clara Schumann pour nous parler justement de cette histoire d'amour, mais pour nous parler aussi de la vie et de l'œuvre de Clara Schumann. Mon invité est le musicologue Pierre Vachon, directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal. Pierre Vachon, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord de la jeune Clara Schumann. Évidemment, Robert va venir très vite dans cette histoire, dans une minute à peine, mais d'abord cette jeune Clara Schumann, cette prodige, virtuose du piano, qui très très jeune est célèbre parce que son père veut en faire une musicienne connue dans toute l'Europe. Elle sera célèbre dans toute l'Europe, très jeune. Ah oui, très jeune. D'ailleurs, elle fait ses premiers concerts, elle a à peine 10-11 ans, à Leipzig. Et Leipzig est quand même une ville importante du point de vue culturel, du point de vue musical aussi. C'est un des centres musicaux de l'Europe. Et donc, son père voit en elle déjà une enfant prodige qui peut être la plus grande virtuose du 19e siècle. C'est comme ça qu'il, en très peu de mots, qu'il l'exprime et qu'il veut que Clara devienne, et ce qui fait qu'elle le devient, effectivement, très rapidement. Elle enthousiasme les gens, elle enthousiasme aussi beaucoup les musiciens importants de l'époque, notamment Franz Liszt et Thalberg, qui sont les deux grandes figures de la musique en Europe, en Allemagne à ce moment-là. Et donc, rapidement, elle enflamme l'Europe, elle enflamme l'Allemagne, et là, partent les tournées. Et elle commence à se faire connaître, à jouer un peu partout, et elle joue à peu près tout. Tout ce qui se joue de virtuose, qui épate la galerie. Et c'est comme ça qu'elle se fait un nom, à telle enseigne, en fait, qu'elle va jouer à Vienne, qui est une autre capitale importante, bien sûr. Et elle enflamme tellement les gens qu'on va même créer un dessert pour elle qu'on va appeler la torte à la Vic. Ah bon? Parce que, justement, on découvre cette jeune femme qui a à peine 17-18 ans à ce moment-là, rendue à Vienne, et qui peut jouer à peu près tout, mais qui a des talents extraordinaires. Torte à la Vic, parce que Vic, au fond, c'est son nom, c'est le nom de son père. C'est son nom, le nom de son père, effectivement. Ouais. Donc, elle joue sous le nom de Clara Vic pendant un certain temps. Et ensuite, bon, elle va rencontrer Robert, elle va changer son nom, mais reste qu'on connaît cette Clara Vic comme étant la nouvelle prodige, la nouvelle sensation musicale de l'Europe. Mmh. C'est une femme, mais on oublie que c'est une femme ou une jeune fille, c'est-à-dire qu'on voit en elle le talent prodigieux, un peu à la manière de Léopold avec Wolfgang Mozart. Ouais. Et donc, là, tout d'un coup, les gens s'enflamment et elle est partout en Europe. Et cette rencontre, donc, elle arrive quand, cette fameuse rencontre Alors, avec Robert Schumann? Elle arrive très rapidement parce que Robert Schumann va vouloir étudier le piano et Vic, le père de Clara, est le grand pédagogue de l'Allemagne du piano. Et donc, Robert va aller à Leipzig, une première rencontre, et ensuite, il va aller faire des études à Heidelberg, en droit, et va revenir à Leipzig, elle va dire « je veux devenir pianiste », et Vic, le père de Clara, va dire « si tu veux, tu peux devenir aussi l'un des plus grands virtuoses de l'Allemagne ». Et c'est comme ça que les deux, il faut imaginer deux jeunes, alors il y a 9 ans de différence entre eux deux, et Clara joue du piano du matin jusqu'au soir, avec la discipline de son père, et Robert arrive et se nourrit de musique, ouais. Et les deux pataugent dans la musique du matin jusqu'au soir, échangent, ils se vouvoient encore, il faudra attendre quand même quelques années avant qu'ils puissent pas se tutoyer. Alors, il y a une amitié musicale, sorte d'affinités électives qui se créent entre eux deux. Et là, c'est une sorte de coup de foudre musical et artistique, surtout entre eux deux. D'abord et avant tout, puis ça sera là tout le temps, cet échange, puis on y reviendra sur le plan musical entre eux. L'un et l'autre se nourriront respectivement tout au cours de leur vie et de leur carrière. Mais il y aura aussi le coup de foudre amoureux. La jeune Clara, je reviens à l'extrait qu'on entendait, la jeune Clara va vieillir, Robert va tout à coup être sensible à ses charmes. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Le père de Clara va s'opposer, mais vraiment farouchement. Ça va se rendre devant un tribunal, cette affaire-là, va s'opposer vraiment très, très farouchement à ce qu'ils se marient. Pourquoi? Ben, en fait, parce qu'il y a l'instabilité de l'artiste. Robert est artiste, donc il vient de créer une revue musicale. Alors, ce qui fait que du point de vue du statut, c'est un petit peu difficile et instable. Il est aussi instable psychologiquement. Déjà, on commence à déceler des signes de sa maladie mentale qui va se dévoiler plus tard. Et aussi que, bon, l'insécurité est vite. C'est son produit, Clara Schumann, ou Clara Wieck, en fait. Et donc, il ne peut pas laisser ça aller. Et on sait que dans le contexte de l'Allemagne de ce 19e, donc des années 1830 à peu près, on sait que lorsqu'une femme prend mari, elle perd sa carrière. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de femmes prodiges, de femmes musiciennes, de femmes compositrices au 19e siècle, parce qu'elles se sont mariées et elles ont perdu leur carrière, en quelque sorte. Alors, c'est exactement le même phénomène. Et Wieck, donc, est craintif de ça. Il dit, je vais perdre, dans le fond, cette carrière prodigieuse. On va oublier ma Clara. Ouais. Et donc, c'est impossible. C'est pour ça que la guerre, la lutte, va durer 4 ans et va culminer, justement, ça va être un jugement de la cour qui va dire, oui, Robert, tu peux épouser Clara. et voilà. Père inquiet. Mais ça, c'est fascinant aussi, l'impresario, au fond, le gérant d'artiste derrière le père qui s'inquiète de ce que deviendra son produit, finalement. Et père tyrannique. Aussi. Ouais. Ils se marieront quand même, donc, finalement, en 1840. Mais c'est vraiment la période, je dirais, la période de courtisanerie entre 1835 et 1840 qui va donner lieu aux plus fougueux échanges. Ils correspondront beaucoup. Et cette période-là aussi va correspondre à, déjà, un riche échange sur le plan musical. Le plus ancien souvenir que j'ai de toi remonte à l'été de 1828. Tu traçais des lettres. Tu t'appliquais à écrire pendant que j'étudiais le concerto en la mineur de Hummel. Et souvent, tu te retournais vers moi. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. J'avais tant de plaisir à t'entendre quand je n'étais encore qu'une enfant. Tu le savais, et tu improvisais quelquefois pour moi seule. Sur la fantaisie de Robert Schumann, extrait de la correspondance de Clara et Robert, lu par Mario Paquette et Colette Mercier à l'émission Pour le clavier en 1993. Pierre Vachon, quelle importance aura la musique dans cette relation? De quelle manière l'un et l'autre se nourriront? En fait, c'est la base de leur relation. Elle a commencé par la musique et elle restera en musique tout le temps. Imaginez des gens qui s'aiment profondément, mais tout passe par la musique. Et au 19e siècle, donc, c'est des gens qui vivent du matin jusqu'au soir avec la musique et qui se nourrissent d'elle. Et donc, quand on regarde les œuvres de Robert et de Clara, c'est très difficile de savoir qui a eu le thème en premier. On se rend compte que dans cette fantaisie, entre autres, le premier thème que vous entendez, c'est le fameux thème de Clara. C'est-à-dire que Robert Schumann a voulu mettre en musique son amour pour Clara, et il va utiliser ce thème qui va traverser la plupart de ses œuvres pour piano, et donc c'est sa façon de dire « je suis en osmose avec ma Clara », et ça se manifeste par la musique, ça se traduit par la musique parce que c'est son langage, parce que c'est sa façon de parler, c'est-à-dire c'est d'exprimer toutes ses passions, aussi violentes et aussi instables qu'elles puissent être, et puis aussi nostalgiques par moments, mais il va exprimer ça par la musique. Chez Clara, c'est la même chose. Alors donc, Clara et Robert se nourrissent l'un et l'autre. Clara, d'ailleurs, jouera certaines, parce que c'est une une grande interprète. En fait, Clara va jouer toutes les œuvres de Schumann. Ouais. Et c'est elle qui va faire en sorte que dans ses récitals, donc, elle va imposer Robert Schumann. Il faut comprendre que la grande figure, c'est Clara Schumann, qui est connue et qui est reconnue dans l'univers musical de l'Europe du 19e siècle. Robert Schumann est le marginal et l'incompris, à telle enseigne que, tout d'un coup, Clara va jouer pour un empereur qui va lui dire « Au fait, est-ce que votre mari est musicien ?» Alors, et là, c'est la grande insulte, et c'est ce qui va plonger Robert dans une grande dépression pendant 3 ans, pour vous montrer à quel point c'est Clara Schumann qu'on voyait et qu'on connaissait, ouais. Alors que Robert Schumann était plutôt marginal. Et c'est pour ça que Clara va imposer les œuvres, ouais, de Schumann, et qu'elle va jouer à chacun de ses récitals. Ça va être la grande créatrice de la plupart de ses œuvres, comme les œuvres de Brahms aussi plus tard. Et elle va, on entendait la fantaisie de Robert Schumann que lui inspire Clara, la réciproque est aussi vraie. Il y a des exemples où Clara écrira des pièces en pensant, oui, à Robert. Oui, exactement. Alors, imaginez des gens qui vivent là-dedans, qui sont dans la musique du matin jusqu'au soir. Alors, qui a eu le thème? Qui entend quoi, etc.? Même pour nous, musicologues, c'est très difficile de dire est-ce que le thème, c'est Clara qui l'a eu en premier ou non? Et quand on regarde et qu'on écoute les œuvres de Clara et de Robert, il y a des clins d'œil constants. Alors, donc, c'est les thèmes de l'un ou de l'autre. On sait que Clara a écrit, par exemple, une pièce sur, des variations sur un thème de Robert. Ça, c'est très clair. On sait que le thème vient de Robert, mais quand on prend ça dans sa globalité, c'est comme une grande œuvre, ouais, qui pourrait être co-signée par Robert et Clara, en quelque sorte. On en écoute justement un extrait. Expliquez-nous ce qu'on entend, parce que c'est un exemple fabuleux, oui, de cette osmose entre les deux. Exactement. Alors donc, c'est un thème que Robert a écrit, et ce thème représente Clara, mais Clara reprend ce thème et en fait des variations, et en fait une musique autour de ça. Donc, alors, on est dans ces musiques qui sont encodées et qui sont... les territoires sont très, très, très flous là-dedans. Alors, c'est un casse-tête pour les musicologues de pouvoir décider exactement qui a écrit quoi exactement, mais c'est incroyable à quel point on est dans le même univers. À telle enseigne, en fait, que quand on écoute une musique de Clara Schumann, c'est parfois difficile de savoir est-ce que c'est du Clara ou c'est du Robert en termes de qualité musicale. Ouais. Revenons à ce fameux mariage qui se produira finalement, qui aura lieu le 12 septembre 1840. Clara aura 22 ans le lendemain. Que signifie ce mariage-là pour Clara, la musicienne? Ça veut dire épouser le génie musical de l'Allemagne. Et ça veut dire aussi mettre fin à sa carrière de compositrice ou la mettre sur la glace temporairement. Elle était consciente, et elle le disait, elle a écrit souvent, que pour elle, c'est l'homme qui doit composer. La femme n'est que la servante de l'homme. Elle assumait ce rôle-là. Elle n'a pas du tout été féministe en son temps, loin de là. Mais donc, elle connaissait sa place, son importance. Elle savait qu'elle était l'une des grandes virtuoses aussi de son siècle. Et elle avait surtout reconnu le génie de son mari. Et alors, ce que ce mariage signifiait, c'est qu'elle allait vivre pour Robert Schumann. Ouais. Ça veut dire jouer ses œuvres, ça veut dire défendre ses œuvres, ça veut dire aussi expliquer, imposer le nom de Robert Schumann, être à ses côtés, essayer de comprendre ce génie multiforme qu'est Robert Schumann. C'était un être excessivement complexe, instable aussi. Ça voulait dire aussi à travers les enfants, donc de faire vivre la mémoire et tout. Et c'était de mettre un petit peu en suspens sa carrière de virtuose. Et ça a été difficile pour elle dans les premiers mois, les premières années, je dirais. Ouais. Et ensuite, elle reprend la carrière. Est-ce que, à quel moment, en fait, parce que vous nous disiez il y a quelques minutes, Pierre Vachon, la grande figure, au début, c'est Clara Schumann. Oui. Vous venez de me parler du génie Robert Schumann, génie allemand, européen de la musique de l'époque. À quel moment se fait le basculement où Robert devient la figure dominante? En fait, c'est Robert se met à composer. Clara lui dit « Écoute, tu devrais peut-être écrire des choses plus faciles pour que les gens te connaissent, apprécient ta musique et que les gens reconnaissent le génie que tu es. » Et après le mariage, c'est à ce moment-là que Robert va un petit peu s'embourgeoiser et il va écrire des pièces plus faciles, des musiques de chambre, musique symphonique, etc., etc., et c'est comme ça que Robert va devenir connu et aussi qu'il va avoir la reconnaissance d'une université, il va devenir le docteur Robert Schumann, de telle sorte que Clara va pouvoir dire et pouvoir porter ça au nu et dire, mais voici mon mari, docteur Robert Schumann. On va l'appeler d'ailleurs docteur Frau Schumann, Frau Clara Schumann aussi, comme les Allemands ont le tour de le faire. Et ce qui fait que donc, c'est comme à partir des années 1840, après le mariage, quelques années, où là, il va devenir beaucoup plus connu. Ouais. Il va laisser tomber aussi la Gazette musicale, donc il est critique musical et éditeur. Il va laisser tomber ça pour se consacrer davantage à la musique, à la composition. Et après ça, donc, vivre avec Clara ce destin particulier entre eux deux. Ben parlons-en, parce qu'il y a, oui, une part de renoncement de la part de Clara par rapport à sa musique, mais il y a plus que ça. Sur le plan personnel, cette femme-là va traverser des épreuves familiales par rapport aux enfants, par rapport à Robert, vraiment très difficiles. Effectivement, parce que c'est un destin tragique, Clara Schumann. D'abord, ils ont eu 8 enfants, dont un qui meurt en bas âge. Mais c'est essentiellement une femme à la grande carrière qui a 7 enfants et un mari instable qui est bipolaire. Alors, imaginez un peu le rythme de vie. C'est quelqu'un qui va souffrir aussi de se retirer un petit peu de la carrière à cause de Robert. Mais donc, c'est lourd comme vie. Ce qui est étonnant chez Clara Schumann, c'est comment elle a assumé tout ça avec une énergie folle. Mmh. Et d'ailleurs, les gens qui parlaient d'elle étaient admiratifs. Il n'y a rien de négatif sur Clara Schumann. Les gens se disaient, mais où prend-elle l'énergie pour pouvoir assumer les enfants, assumer sa carrière, assumer son mari malade, etc., etc. Alors donc, le destin tragique va se dessiner tranquillement et elle va arrêter de composer aussi à l'âge de 37 ans, ce qui est très jeune. Robert va tomber malade en 53. Ouais. Il a 43 ans. Et à ce moment-là, donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elle va reprendre la carrière, mais la carrière de grande virtuose et de grande musicienne du 19e siècle. Ouais. Et là, elle va parcourir l'Europe et va aller en Angleterre aussi. Robert, vous le disiez, donc, est malade. Il va mourir en 1856. Il se laisse, dit-on, carrément mourir de faim à l'asile où il habite depuis déjà quelque temps. Ça nous dit quoi sur le couple Schumann? Où en est ce couple, où en est cette relation à la toute fin? C'est une relation fusionnelle. Quand on regarde la correspondance, quand on regarde tout ce qui se passe, compte tenu de la maladie, compte tenu aussi que pendant 2 ans où Robert est interné, Clara ne peut pas voir Schumann, mais c'est l'aspect fusionnel d'une relation, de cette relation particulière. Donc elle ne le lâche pas. Quand on dit elle ne le verra pas, elle n'ira pas le voir, elle ne peut pas aller le voir. Elle peut pas aller le voir à cause du traitement qu'il va recevoir à l'asile d'Endenich. Seulement Brahms va relayer l'information, c'est lui qui va venir le voir, mais elle ne peut pas le voir parce que les médecins disent, le psychiatre dit carrément, ça va l'instabiliser encore trop. Donc laissons passer l'instabilité, qu'il se calme, et après, vous pourrez venir le voir, et ça prendra 2 ans et demi avant qu'elle puisse le voir. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle doit payer les frais d'hospitalisation, alors elle reprend la carrière pour ça, et c'est comme ça qu'elle ne lâchera jamais Robert, elle sera toujours fidèle, même après la mort, pendant 40 ans après, à la mémoire de Robert, et pour honorer aussi le génie de son mari, et c'est l'homme qu'elle a le plus aimé. Ouais. Elle est toujours restée fidèle à cet amour qu'elle a eu pour lui, cet amour fusionnel depuis le départ. Malgré la présence de Brahms, vous le mentionniez, arrivons-y à Johannes Brahms. Il est présent, il devient ami du couple, il emménage chez les Schumann au moment où Robert est interné. Parlons de la nature de cette relation entre Clara Schumann et Johannes Brahms. D'abord, en écoutant un extrait d'une lettre que Clara Schumann va écrire à l'attention de ses enfants. Il vint pour m'aider, en ami fidèle, à porter toute ma détresse. Il fortifia mon cœur qui menaçait de se rompre. Il éleva mon esprit, égaya autant qu'il en était capable mon humeur. Bref, il fut mon ami dans toute l'acception du mot. Oui, je puis vous dire, mes enfants, que je n'ai jamais aimé un ami comme lui. Croyez ce que votre mère vous dit, et n'écoutez pas des âmes mesquines et jalouses qui lui envie mon amour et mon amitié, et qui cherche à s'attaquer à lui, et même à nos belles relations que, ou bien, ils ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre. « C'est la douloureuse romance qu'on entend que Clara Schumann va dédier à Brahms. Quelle sera donc, Pierre Vachon, la nature de cette relation entre Brahms et Clara Schumann? Ami, mais aussi comme un fils. Plus tard, dans une autre lettre, il va dire « si je l'ai considéré comme mon fils, que j'ai aimé plus que tout au monde aussi ». Alors, c'est une relation donc qui, lui, Brahms, était follement amoureux de Clara. Ça, on le sait, ouais. Il y a eu une correspondance très enflammée entre eux deux. Mais pour Clara, c'était vraiment un ami, bien sûr, comme on l'a entendu, mais vraiment un fils. Et aussi, en fait, Brahms remplace Schumann du point de vue artistique. C'est-à-dire qu'il s'insère dans leur vie. Brahms, dans le jeune Brahms de 20 ans, lorsque Robert est interné, va s'occuper de la maison, des enfants, va avoir de lourdes responsabilités. Clara va se faire la créatrice de la plupart des œuvres de Brahms aussi. Ouais. Et donc, il y a cette relation, ce qu'elle a connu avec Schumann, ça se poursuit avec Brahms jusqu'à la mort de Clara Schumann en 1896. Et donc, il y aura aussi des ruptures, il y a aussi une amitié, bon, des colères et tout. Brahms va tomber amoureux d'une des filles Schumann, donc Julie. Clara va être vexée par cette chose, mais alors c'est cette curieuse amitié, cette intense amitié, mais en même temps aussi le rapport d'une mère à son fils, mmh. donc qui le conseille, qui le guide. Clara va aussi lui enseigner le piano. Alors donc il y a une relation, c'est la poursuite en fait carrément de la relation qu'elle a eue avec Schumann, mais sans l'aspect amoureux ouais. de Schumann. Clara sera un peu oubliée au fil du temps, et on la redécouvre à un moment donné. Il y a comme un intérêt nouveau oui. pour elle. On redécouvre qui elle est. On lui consacre une émission aujourd'hui. Ça se passe quand et pourquoi tout à coup on s'intéresse à Clara Schumann? On s'intéresse à Clara Schumann parce qu'on redécouvre des documents. Ça date des années 1980 à peu près. Tout d'un coup, les études féministes font en sorte qu'on se réintéresse au sort des femmes et leur place. Alors, les études américaines, et c'est comme ça que des musicologues américains ont commencé à se réintéresser à Clara à travers une correspondance des documents auxquels on n'avait pas accès avant. À cause de la division de l'Allemagne. Et là, on redécouvre, on a accès à nouveau à ces documents-là, on fait des études. Et aussi en 1996, c'est le centenaire de la mort de Clara. Et donc, c'est le point culminant qui va relancer l'intérêt qu'on a pour Clara. Clara, la musicienne, Clara, la pédagogue aussi, ce qui est très important dans le cadre du 19e siècle, et Clara, la femme. Ouais. Mais c'est surtout comme pédagogue qu'elle va rester aussi au-delà de la composition. Mais quand même, parlons de la musicienne, de la composition, oui. de la musicienne dans tout ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'elle nous laisse comme héritage? Puis question un peu cruelle, mais en parallèle, comment se comparent les œuvres des deux Schumann? Oui, c'est une question cruelle. On ne peut pas considérer les œuvres de Clara Schumann à l'égal des œuvres de Robert Schumann. Ça, non. Et elle aussi le savait que ses œuvres, c'était un peu mièvre par rapport à celles de Robert. Elle était consciente de la qualité de ses œuvres. Elle était consciente aussi qu'elle n'a pas le talent que Robert avait pour composer des grandes œuvres, et c'était correct pour elle. Alors aujourd'hui, on regarde ça avec justement cette relativité, si on peut dire. Le génie reste Robert Schumann, c'est lui qui marque le siècle, le 19e siècle, dans l'histoire de la musique. Clara Schumann a été l'une des compositrices, des femmes compositeurs, si on peut dire, qui laissent des œuvres intéressantes, ouais. je dirais. Pierre Vachon, directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal, c'était un bonheur de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.